Dialogue. Un cadre sympathique pour dîner. Écoutez. Arrêtons-nous dans ce village. Il me semble qu'on m'a parlé d'une petite auberge. Celle qu'on voit là-bas? Peut-être. Allons voir. Le menu est affiché. Ça me donne faim. Qu'en dites-vous? Ça n'a pas l'air mal. En effet. Entrons boire un café et on réservera pour ce soir si ça nous plaît. On peut avoir 3 cafés, s'il vous plaît. Tout de suite. Le cadre est sympathique, non? J'adore ces vieilles maisons. Nous nous offrons un petit dîner, là, ce soir. Pourquoi pas? Répétez. Arrêtons-nous dans ce village. Il me semble qu'on m'a parlé d'une petite auberge. Celle qu'on voit là-bas? Peut-être. Allons voir. Le menu est affiché. Ça me donne faim. Qu'en dites-vous? Ça n'a pas l'air mal. En effet. Entrons boire un café. Et on réservera pour ce soir si ça nous plaît. On peut avoir 3 cafés, s'il vous plaît. Tout de suite. Le cadre est sympathique, non? J'adore ces vieilles maisons. Nous nous offrons un petit dîner, là, ce soir. Pourquoi pas?